Le comte d'Eberstein par Lord Wigmore. Le 22 décembre 1660, aux dernières lueurs des lampes de la salle d'études du château d'Eberstein, un vieillard à longue barbe blanche était assis sur un des grands fauteuils du temps. Il écoutait, tantôt une lecture de la Bible que faisait à haute voix le ministre desservant la chapelle du château, tantôt le récit des faits mémorables de son illustre maison, autre lecture que lui faisait chaque jour Alice, la jeune et douce fille du premier officier de sa maison. Ce vieillard, sans enfant, sans parents pour adoucir les dernières journées de sa laborieuse vie, était le comte Casimir d'Eberstein, dernier rejeton de ce Louis d'Eberstein, qui fit, en 934, avec l'empereur Henri Ier, la guerre contre les Huns, et de cet autre Guillaume d'Eberstein, qui fut un des vaillants champions du célèbre tournoi d'Augsbourg. « Alice, dit le comte, lis-moi dans le manuscrit de la princesse Jacobie l'alliance de ma maison avec celle de l'empereur Othon le Grand. » Et comme le vieillard vit que la jeune fille hésitait, il lui dit « Alice, faites ce que je vous ordonne. » « Mais, monseigneur, reprit Alice d'un ton irrésolu et triste, vous m'avez dit que cette fin du livre de Madame Jacobie ne vous sera lue que le jour où vous ne voudriez plus entendre qu'une fois parler des gloires de ce monde, pour aller demander merci à Dieu et vous coucher dans la tombe de vos ancêtres. Or, nos heures sont comptées, Alice, interrompit le comte d'Eberstein. Et une voix secrète me dit qu'avant de recommander mon âme à Dieu, je puis entendre ce que je vous demande. Faites-moi cette lecture, mon enfant, et que Dieu me pardonne cette dernière vanité. Le père d'Alice entr'ouvrit avec respect la porte de son vieux maître, fit un signe à sa fille, et Alice commença aussitôt. Le tournoi de Spire. Dans une des fréquentes guerres d'Othon le Grand, la ville de Strasbourg se révolta. L'empereur l'assiégea et s'en empara. Sachant que les seigneurs d'Eberstein avaient pris parti pour cette ville, il marcha contre Ebersteinbourg et l'assiégea, sans succès, pendant 2 ans et demi. Alors un de ses conseillers l'engagea d'employer la ruse. Il lui dit de faire publier un tournoi à Spire où l'humeur belliqueuse des comtes d'Eberstein ne manquerait pas de les conduire et de profiter de leur absence pour faire assaillir Ebersteinbourg et surprendre sa garnison. Un tournoi fut donc ordonné. Une multitude de princes et de seigneurs s'y présentèrent sur la foi donnée. Les 3 comtes d'Eberstein n'eurent garde de manquer cette occasion de prouesse. Tous déployèrent adresse et bravoure. L'aîné surtout se fit remarquer. La nuit venue, un banquet splendide et des danses charmèrent les conviés. Celui des 3 frères qui avait paru avec avantage au tournoi eut encore des succès à la danse. Une jeune princesse, parente de l'empereur, avait remarqué le seigneur d'Eberstein. Quelques mots flatteurs et tendres avaient achevé de prendre le cœur de la jeune femme. Car, dans ce temps, le cœur tenait juste la place de ce que nous nommons aujourd'hui la coquetterie, comme le dévouement tenait aussi celle de notre banale politesse. Le bal allait finir. Le comte était près de la dame, qu'une amie complimentait sur sa jeunesse et sa beauté. « Vous croyez toujours voir en moi la jeune Marie, » dit la noble dame. « Vous vous nommez Marie ?» dit aussitôt le comte, et en lui-même il ajouta « Ah, Marie, sois la Vierge pure où s'élèvent mes pensées, sois mon culte, sois ma foi. » On ne sait si la dame entendit, mais, se penchant vers lui, elle dit un mot bien bas, comme un aveu de femme, ou comme un de ces secrets qui donnent la mort quand ils sont divulgués. Le comte ne répondit point, mais, en la regardant tendrement, il crut la voir environnée d'une auréole céleste, puis ses lèvres murmurèrent « Ange de bien !» C'est Dieu qui t'envoie vers moi. » Alors, se retirant lentement, il parut sourire avec indifférence en approchant de ses frères. Lorsqu'il put être remarqué d'eux seuls, il leur fit un signe qu'ils comprirent, et se tournant vers l'assemblée avec une sorte de solennité et en élevant la voix, il dit qu'il avait l'intention de rendre, le lendemain, ce brillant tournoi, au même lieu, si l'empereur daignait le permettre, et qu'il déposait entre les mains des juges de ce jour 100 florins d'or pour prix à qui ferait le mieux. L'empereur fut ravi de cette disposition des seigneurs d'Eberstein et accepta avec empressement. Tous les assistants se réjouirent d'avance, et les 3 frères se retirèrent bientôt pour faire, dirent-ils, quelques dispositions pour le lendemain. On assure qu'au moment du départ, 2 regards se rencontrèrent et 2 mains se placèrent sur 2 nobles cœurs. Quel projet formait-il après cet aveu réciproque? Aucun. On se dit bien qu'on aime, qu'on est heureux d'être aimé, mais sans chercher plus loin, sans prévoir l'avenir. Le présent est hérissé d'obstacles, qu'importe, on est aimé. L'avenir offre-t-il des chances plus assurées? On n'en sait rien. Mais qu'a-t-on à redouter? On est aimé. Tout est là. Cependant, l'aîné des Eberstein ne dirigeait pas ses frères vers les riches appartements que l'empereur leur avait fait préparer. C'était vers le fleuve qu'il les conduisait. Il faisait nuit noire. Une barque était au bord de la rive gauche du Rhin, mais fortement attachée par une chaîne de fer. L'épée du comte l'eut bientôt brisée, et sans mot dire, ses deux jeunes frères s'embarquèrent avec lui. Quand ils furent au milieu du fleuve, savez-vous ce qu'il leur dit ? L'empereur est un traître. Son tournoi était un piège. Demain, à la pointe du jour, on doit surprendre notre asile, la demeure de nos pères, le bourg de nos sujets. Une femme, non, un ange m'a prévenu. Un cri d'indignation s'échappa de la barque. Il retentit sur les deux rives, et d'un même mouvement, deux larges épées sortirent étincelant de leur fourreau. Silence ! Dit le chef des Eberstein. Dieu aidant, demain, nous aurons notre tour. Dieu, en effet, seconda le bon droit. Les chevaliers touchèrent bientôt le rivage opposé. Là, ils prirent, dans une ferme dépendante de leur domaine, les chevaux les meilleurs, et franchirent comme l'éclair l'espace qui les séparait de leur bourg. Avant le jour, le rolifant avait retenti à la porte d'Ebersteinbourg, et bientôt le pont-levis s'abaissa pour recevoir les maîtres du château. L'assaut vint, mais les plus braves assaillants périrent sous les premiers coups des trois frères. Les autres, croyant à une trahison en reconnaissant les seigneurs d'Eberstein qu'ils croyaient outre-Rhin, se retirèrent précipitamment. Pendant que tout ceci se passait, l'empereur et sa cour attendaient le tournoi. Mais quelle fut l'indignation d'Othon quand il se vit trompé. C'est ce qu'il est impossible de rendre. Furieux, il fait porter toutes ses forces contre Ebersteinbourg qui résiste à toutes les attaques. Vainement offre-t-il une honorable capitulation, rien ne fléchit les seigneurs d'Eberstein, qui montre aux envoyés de l'empereur d'immenses provisions, dont la majeure partie cependant n'est que factice. L'empereur, ayant d'autres affaires sur les bras, voulut enfin terminer honorablement cette querelle. Il entra en arrangement et accorda une paix que tout le monde désirait. Elle fut scellée par une alliance que le chef de la maison d'Eberstein demanda. Une parente de l'empereur devint comtesse d'Eberstein. Or, la parente, c'était cette Marie, que le comte avait fait demander à l'empereur comme un gage certain de leur union à venir. Mais eux seuls connaissaient le vrai motif d'un traité dont l'amour était le véritable négociateur. Quelque temps après leur mariage, l'empereur envoya le comte à Rome, où le pape, émerveillé de son esprit, de sa bravoure et de sa piété, lui fit cadeau d'une rose ornée de saphir. C'est depuis ce temps que la maison d'Eberstein porta une rose dans ses armes comme pièce d'honneur. « C'est vrai !» interrompit avec animation le vieillard, et ses joues violemment colorées manifestaient la part qu'il avait prise à ce récit. Alice, émue à la vue de son seigneur, joignit ses petites mains et se retira en priant. Le ministre du Dieu s'approcha, lut au vieillard le verset du chapitre 23 de l'Imitation. « Heureux celui qui est devant les yeux l'heure de la mort et qui se dispose à mourir !» Et lorsque l'aube du jour parut, la maison de Bade était héritière du comté d'Eberstein. Ainsi s'achève le comte Eberstein par Lord Wigmore.